Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 106. Des changements que Dieu fait subir aux créatures par les créatures elles-mêmes, et, d'abord, de l'illumination des anges. Les anges s'illuminent, dans quel ordre, sur quoi? 1. Un ange en éclaire-t-il un autre? Les anges de la seconde hiérarchie, dit Saint-Denis, sont éclairés par les anges de la première. Les anges supérieurs illuminent les inférieurs, premièrement, en fortifiant leurs vertus intellectives. De même qu'un corps moins chaud s'échauffe au contact d'un corps plus chaud, de même la faculté intellective d'un ange inférieur se trouve fortifiée par la communication avec un ange supérieur. Les anges supérieurs illuminent, en second lieu, les anges inférieurs en leur transmettant la similitude des choses connues sous une forme moins générale qu'ils ne l'ont reçue, afin qu'elles soient à leur portée. C'est ainsi que, parmi les hommes, les maîtres qui possèdent la synthèse d'une science proportionnent leur enseignement à la capacité de leurs disciples en établissant un grand nombre de distinctions. Note. Les anges supérieurs n'illuminent pas les inférieurs sur l'essence divine, que tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, voient immédiatement. Ils les éclairent seulement sur les raisons primordiales des choses qui résident en Dieu comme dans leur cause. Fin de la note. 2. Un ange meut-il la volonté d'un autre ange? Un ange ne meut pas à son gré la volonté d'un autre ange, rien ne meut efficacement la volonté, si ce n'est le bien universel, qui est Dieu même. Mais l'un peut incliner la volonté d'un autre à l'amour de la créature ou de Dieu par une sorte de persuasion, à la manière d'un être aimable qui découvre certains biens. L'ange n'est l'auteur ni de la nature intellectuelle ni de la volonté, pour en changer l'inclination naturelle, Dieu seul donnant la faculté de vouloir, aucun d'eux ne peut mouvoir la volonté d'un autre autrement que par la persuasion. 3. Un ange inférieur peut-il éclairer un ange supérieur? Il est, dit Saint-Denis, une loi divine, fixe et immuable, c'est que les êtres inférieurs sont ramenés à Dieu par les êtres supérieurs. Conformément à cette loi, les anges supérieurs illuminent les anges inférieurs, mais le contraire n'a pas lieu. Nous voyons, il est vrai, que Dieu, dans les choses humaines, agit quelquefois en dehors des causes naturelles, d'une manière miraculeuse, afin de se faire connaître aux hommes, mais, comme les opérations des substances spirituelles ne sont pas des œuvres qui nous frappent, il n'agit pas en dehors de l'ordre des anges. Une dérogation aux lois du monde invisible ne nous serait d'aucune utilité. C'est pourquoi, dans le monde angélique, où les esprits les plus rapprochés de Dieu sont à la fois les plus élevés en dignité et les plus éclairés, les supérieurs ne sont jamais illuminés par les inférieurs. Note. Dans la hiérarchie ecclésiastique, qui imite à certains égards la hiérarchie céleste, quoiqu'elle n'en soit pas la ressemblance parfaite, les hommes les plus rapprochés de Dieu par la sainteté se trouvent parfois au plus humble rang sous le rapport de la science, et des hommes très savants sur une matière ne le sont pas toujours dans une autre. Il en résulte que les supérieurs peuvent quelquefois être éclairés par les inférieurs, mais cela n'a pas lieu dans la hiérarchie céleste, où la science est toujours proportionnée à l'élévation et à la dignité. Fin de la note. 4. L'ange supérieur transmet-il à l'ange inférieur tout ce qu'il sait? Toute intelligence céleste, dit Saint-Denis, transmet à celle qui la suit ce qu'elle a reçu de celle qui la précède. À quoi Saint Grégoire ajoute, dans la céleste patrie, il n'y a pas de possession exclusive. Il est dans la nature du bien de se communiquer en se propageant. Plus un être participe à la bonté de Dieu, plus il aspire à transmettre aux autres les perfections dont il est enrichi. Les anges qui participent avec le plus de plénitude au trésor de la bonté divine, doivent nécessairement s'efforcer de communiquer à leurs inférieurs ce qu'ils en reçoivent. On s'imagine bien, cependant, que ces trésors ne se trouvent jamais d'une manière aussi éminente dans les inférieurs, et que les anges supérieurs ont toujours un rang plus élevé et une science plus parfaite. Ainsi, sur la terre, le professeur comprend ordinairement mieux que son élève les matières qu'il enseigne. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.